s'il en est un, il y a une artère grasse où les cellules déambulent globuleusement en globuscules bigarrés et transportent en commun